Il était une fois des contes magiques et merveilleux racontés par Louis Corvin. Installez-vous, ça commence. C'est l'histoire d'un livre. C'est un soir de novembre. Il est temps de coucher les enfants. Mais avant de les lâcher dans la nuit, une histoire est attendue pour faire le passage de la lumière à l'inconnu. Aurélie, Anne et Waël l'attendent avec impatience. « Raconte-nous une histoire, une nouvelle histoire, » demande Aurélie. « Oui, laquelle ?»« L'histoire d'un livre, » répond-elle. Le conteur se lève de sa chaise et part à la recherche d'un volume de contes sur le bureau de l'enfant. « Non, pas une histoire dans un livre, non. L'histoire d'un livre, » précise Aurélie. Le conteur se lance. C'est l'histoire d'un livre, d'un très très vieux livre. Il est là, sur l'étagère d'une bibliothèque, depuis des siècles, des siècles et des siècles. Depuis des siècles et des siècles, le monde l'a oublié. Recouvert d'une épaisse couche de poussière grise, il attend. Un après-midi d'automne, deux enfants, un garçon et une fille, viennent à passer dans le rayon du livre oublié. Comme tout le monde le sait, les enfants observent tout, voient tout. Rien ne leur échappe, et ils sont interpellés par un livre qui n'est pas comme les autres. Il est recouvert de poussière. Dans un même élan, ils s'approchent du livre, se concertent du regard, inspirent fortement l'air, gonflent leurs poumons et soufflent de toute leur force. La poussière s'envole, disparaît. Le livre est de couleur rouge, d'un rouge pourpre profond. Les enfants le prennent entre les mains et le posent sur la grande table de la bibliothèque. Ils pressentent qu'il y a un mystère. Le livre est à la fois très lourd et très léger. Les deux enfants s'interrogent du regard, hésitent un instant. Un secret les appelle. D'un geste rapide et furtif, ils ouvrent l'ouvrage. C'est un jet de lumière qui en surgit, éclaire et illumine leur visage. Étonnés, l'un et l'autre se découvrent. Jamais, oh, non jamais, ils ne s'étaient vus aussi beaux. De concert, ils ouvrent la deuxième page. C'est une chaleur douce qui les enveloppe, les chatoie, les cajole. Puis une troisième. C'est le vent qui fait danser leurs cheveux, chatouille leur nuque, leurs épaules, leur visage, leur sourire. Et une autre. Ce sont des odeurs de chocolat chaud, de pain grillé, de parfums de fraises, de framboises et de fleurs d'oranger. À chaque fois, ce sont de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Arrive la quatrième page avant que le livre ne se referme. Waël prend la parole. Le livre parle. Le livre chausse ses lunettes sur le bout de son nez et raconte aux deux enfants les légendes et encore des légendes, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Mais ce n'est pas tout. Il leur délivre, leur confie un grand, un très grand secret. Le livre chuchote. Voici où se trouve le plus grand trésor de l'univers. Il le dessine sur sa dernière page blanche, le plan pour y parvenir. Les enfants sont attentifs et mémorisent le chemin oublié depuis la nuit des temps. Tous deux referment doucement le livre, l'embrassent et le reposent sur son étagère. Et sans attendre, ils courent jusqu'à la maison, enfilent leurs bottes, se couvrent de vestes bien chaudes, de bonnets, s'équipent de cordes et de lampes torches. Sans perdre haleine, ils marchent longuement, longtemps, traversent les campagnes, gravissent les montagnes et trouvent enfin l'entrée du plus grand trésor de l'univers. C'est une porte de verdure à travers laquelle ils voient des scintillements. Mais il y a là un obstacle. Un grand ravin, large et très profond, les sépare de l'entrée du trésor. Le livre exagère, il ne nous a pas prévenus. Les deux enfants se tiennent par la main, recule de 10 pas et s'élance, saute dans le vide et retombe de l'autre côté du ravin. Pouf ! Comment vas-tu ? Rien de cassé ? Non, ça va bien, merci. Et toi ? Un peu étourdi, mais rien de cassé. Tous deux découvrent, émerveillés, une immense grotte, majestueuse, envoûtante. Elle est remplie d'or, de diamants, d'émeraudes. Anne interrompt son frère et poursuit l'histoire. Oui, mais il y a là un trésor encore plus grand. Tout le monde écoute de nouveau. Oui, le plus grand trésor est là. C'est la famille. La famille a déposé là une petite boîte. Les deux enfants s'en approchent, soulèvent son couvercle. À l'intérieur, il y a une enveloppe. Les enfants l'ouvrent avec délicatesse et en sortent un parchemin. Ils sont surpris, très surpris. Il n'y a rien, rien d'inscrit, pas même un dessin. De leur regard, ils interrogent à nouveau le parchemin et, petit à petit, par magie, à la lueur de leurs yeux, à la lueur de leur regard, une phrase vient à s'écrire. La beauté de la vie sort du cœur des enfants. Ils sont très émus, très émus. Ils le savaient depuis la nuit des temps, mais personne, non personne, n'avait osé leur dire la vérité. Silence. Les yeux mouillés de larmes brillent d'humanité. Le ciel, les étoiles, l'univers s'y reflètent. Tout doucement, les enfants glissent avec précaution le parchemin dans son enveloppe, l'enveloppe dans son étui. La phrase disparaît. Mais sans regret, puisqu'elle est cette fois-ci inscrite, lisible et transmissible à tout jamais à travers la grandeur de leur esprit et dans la profondeur de leurs paroles. Avec précaution, tous deux referment le couvercle de la boîte, embrassent cette précieuse boîte et la reposent à sa place initiale. Pour tous les enfants à venir et en devenir.